Bonjour chères auditrices et auditeurs, ou plutôt bonsoir. En attendant, nous sommes à l'enregistrement en journée, sous une journée qui est la fête à la grenouille, avec maman escargot qui dit « Chic les enfants, nous allons pique-niquer ». Et donc nous sommes en comité relativement restreint puisque les routes étaient difficilement praticables et nous allons profiter de ce comité restreint pour discuter aujourd'hui d'un sujet qui est d'époque. Vivre ensemble, donc c'est assez large, c'est de la capacité, de l'assentiment des individus à partager harmonieusement leur lieu de vie. Ça peut être ça ou ça peut être à partager harmonieusement la vie au quotidien. Ça peut donc être dans différents contextes dont on parlera maintenant. En attendant, nous allons commencer par écouter notre chanteur favori. Voilà, Jean-Claude Vorgi, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, qui est une journée particulière? Alors, comme c'est une journée particulière, oui, il y a un concert de prévu à la fin de la journée. Donc, je ne vais pas faire mes chansons, je vais faire des chansons d'autres. On y va. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles comme un anneau de Saturne un ballon de carnaval comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant ou les mots d'une rengaine dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands sur les forêts de Norvège, sur les moutons d'océan. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts. Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Merci beaucoup Jean-Claude. Donc nous allons démarrer ce débat par vivre ensemble. Qu'est-ce que signifie vivre ensemble? Est-ce que quelqu'un veut démarrer ce débat? Le mot ensemble n'existe pas et il faut parler de réseau, ou bien alors de simplicité de rencontre à travers units, disent les Américains. Alors, on pourrait élargir au sens humain. Qu'est-ce qu'être ensemble? Qu'est-ce que l'ensemble? Parce qu'en mathématiques, on a deux cercles qui se rencontrent alors et qui forment un ensemble. et dont l'unité mathématique en a eu cette vraisemblance jusqu'à maintenant, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ce mot ensemble viendrait de deux groupes qui se rencontrent et forment une unité. Oui, alors on en est en mathématiques dans le symbole de la patate. Je ne sais pas si vous avez étudié ça plus jeune, mais c'est le fameux ensemble 1, ensemble 2, au milieu, la patate, c'est-à-dire qu'est-ce qui va ensemble. Donc ce qui est important, c'est plus que ensemble, c'est la manière. Parce que ça peut être ensemble de façon difficile ou alors de manière paisible, quoi. Donc c'est pour moi le sujet plus important, c'est pas comment vivre ensemble, mais comment vivre ensemble de façon sereine, harmonieuse. Quoi. Oui, en fait, c'est comme un orchestre quand il se met au diapason. C'est comment peut-on se mettre au diapason pour vivre ensemble. Parce que quand on se tape dessus, ça s'appelle la guerre. On vit ensemble, mais c'est pas souhaitable. Quoi. Non, donc effectivement, vivre ensemble. Vincent. Juste pour dire que le problème de vivre ensemble se pose par contrario à vivre seul. Or, la plupart des gens ne peuvent pas vivre seul. Et si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin à un moment donné de se confronter, de s'augmenter les uns les autres. Voilà, donc je dirais, déjà, c'est une nécessité presque vitale, le vivre ensemble. Après, comment, de quelle façon, c'est un petit peu le contrario, effectivement, du vivre seul qui est quasi abyssal, impossible. Jean-Claude et ensuite Claire. Vivre ensemble, c'est trouver l'osmose qui permet que le particularisme de chacun trouve le particularisme de l'autre et permet la création de quelque chose de nouveau qui est cet ensemble. Voilà. Oui, une augmentation. Oui, le tout est largement supérieur à l'ensemble des parties. Oui, voilà. Tout à fait. Claire. Bah, pour moi, déjà, quand on dit vivre ensemble, ça fait appel à plusieurs situations bien précises. Ça peut être vivre ensemble sous le même toit, tout le temps, une unité de vie à deux ou trois personnes. Ça peut être aussi partager des moments avec d'autres personnes, mais pas tout le temps. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose, mais la constante qui revient, c'est quand même une harmonie et un respect des différences de chacun. C'est-à-dire qu'il y a la vie en société, en quelque sorte, qui est vivre ensemble, et la vie sous le même toit, qui est vivre ensemble. Voilà. Il y a deux façons. Et est-ce que ce n'est pas, alors je soulève la question, intéressant de commencer par apprendre à vivre en société avant de vivre sous le même toit? C'est une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par apprendre à vivre seul pour ensuite pouvoir vivre ensemble? Ah, j'en suis persuadée, oui. Très bonne réflexion, merci beaucoup. Oui, je pense que d'apprendre déjà à vivre avec soi-même, c'est déjà la condition sine qua non pour vivre avec les autres. Moi, je rebondis sur le propos notamment de Jean-Claude sur l'idée que vivre ensemble à plusieurs, c'est créer, c'est aboutir à une création. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, on fait partie d'un tout et l'individu, bon, si on prend une conception taoïste, orientale, enfin, de la vie, on n'est qu'une partie du tout. Et l'individu est relativement une illusion qui doit se fondre dans le tout. Le tout est la réalité. Et donc, le vivre ensemble, dans ce cas-là, qui fait qu'il y a un plus un, et ça aboutit au trois. Dans le principe du Tao, le trois, c'est le premier principe créateur. C'est un et deux, le yin, le yang, principe un. Le yin, principe qui est le principe 2 dans le Tao, se réunissent et font le 3, c'est-à-dire la création. D'ailleurs qu'il n'y a pas de possibilité autre que d'être ensemble, de retrouver une unité perdue quelque part, dont on est un tout, une partie du tout. Voilà. Voilà. C'est intéressant parce que, effectivement, alors je reprendrai la réflexion d'Olivier, apprendre déjà à vivre avec soi seul, hein, avec, en face de soi-même. Se connaître bien, ensuite vivre en société et ensuite penser à vivre sous le même toit. Je pense qu'il y a des étapes effectivement à suivre et qu'on doit chacun avoir aussi la compréhension, et je reviens sur ce qu'a dit Jean-Claude et Vincent, que seul est une chose, à plusieurs est une autre chose, surtout dans le fait qu'à plusieurs, l'énergie entraîne l'énergie. Il y a Jean Lebon qui avait fait une théorie au début du XXe siècle sur la force qui se développe quand les gens sont en groupe. C'est-à-dire que, par exemple, on va donner d'autres exemples, dans le cas de manifestations ou de choses comme ça, les gens qui sont en groupe, il y a une certaine énergie qui se déclenche, qui s'ils étaient tout seuls, je dirais n'importe quoi, ou comme en classe, ou même il y a un groupe de gars ensemble, ils vont être beaucoup plus aptes à peut-être blaguer, faire les malins et tout, que tout seul, pris indépendamment, ça va être des gens, ou les femmes pareil, elles vont être beaucoup plus ensemble, elles vont se remonter le moral en quelque sorte entre elles. C'est ce phénomène de foule. C'est-à-dire que l'être humain, alors est-ce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, des ondes qui nous sont inconnues? Comme exemple, je donne toujours la télévision qu'on montre à quelqu'un du Moyen-Âge. Il rigole. Bah oui, il dit non mais oh, ça va le chalet, comment on fait passer des ondes comme ça? Et pourtant, 1000 ans plus tard, elles passent. Donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas des ondes qui font que quand on est ensemble, il se passe quelque chose qui ne se passe pas quand on est seul? Voilà. Fred. Ouais, pour ce qui rejoint un peu ce qui a été dit, pour moi, seul, c'est déjà... on est déjà plusieurs, quoi, seul. Parce que même si on se retranche, qu'on s'isole, dans notre tête, on réfléchit et tout, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Donc, et puis déjà, on est constitué de plein de cellules, tout ça. Mais en réflexion, on n'est jamais vraiment seul, quoi. Oui, tout à fait. Corinne, merci. Oui, moi, ça m'évoque beaucoup de choses. Ben, y a déjà le... Je voulais dire qu'on est issu déjà d'un premier ensemble, parce qu'on est issu quand même de deux parents qui nous élèvent. Donc, on est déjà au début dans un petit ensemble. En étant éduqués d'une certaine façon, après, dans la vie, on a des rencontres qui nous amènent à découvrir beaucoup d'autres choses. Et quand on fait les bonnes rencontres au bon moment, on va quand même avoir des personnes qui, volontairement ou non, vont nous amener à penser aussi, à découvrir des tas d'autres choses. Donc, moi, je trouve qu'il y a plein d'étapes dans notre vie qui font que parfois on est... Alors après, il y a des moments où on va se replier un peu sur soi parce qu'on va avoir besoin d'une respiration, une méditation, un peu reprendre les choses, les faire décanter. Et puis, ça va nous servir à d'autres rencontres ou dans un groupe à participer. Enfin, il y a plein d'allers-retours entre l'ensemble et le seul. Moi, c'est ce que ça m'évoque là tout de suite. Tout à fait. On peut aussi poser le problème en termes, on dirait presque politiques, parce que, enfin, politique, c'est le jour. Dans l'organisation de société, oui. On entend. Oui. Bon, parce que d'une certaine façon, on n'est pas, les droits de l'homme sont basés sur, et puis la coutume démocratique qu'on vit depuis deux siècles est basée sur l'individu. Hein, l'homme est un individu, un homme un petit peu en lui-même, un être qui se suffit. Et de l'autre côté, on voit bien qu'il y a des tendances communautaristes qui existent, qui font qu'on ne définit l'homme que par une communauté. Bon, on a ça même sur le plan politique, dans les formes de communautarisme qui se manifeste sur un plan, bon, on le voit à l'heure actuelle. Donc on a cette dichotomie entre l'individualisme qui est théorique et un communautarisme qui effectivement fait que les gens se définissent aussi par rapport à un ensemble dans lequel l'individu n'est qu'un élément qui donne tout, voilà, d'un certain tout particulier cette fois-ci. Oui, alors ce que je dirais, moi, quand j'entends ça, c'est qu'il faut quand même bien faire la différence entre individualisation et individuation. Parce que l'individualisation, c'est vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous, et puis on n'a rien à foutre. Individuation, c'est soi-même, on est ouvert vers autrui, mais on sait qui on est, on sait où sont nos limites. L'individuation, c'est la construction de soi-même, de son individu. C'est ça. Et l'individualisation, oui, bon, c'est ce que c'est que l'individualisme aujourd'hui, quoi. Hein, c'est une grande différence. Voilà. Ce que je voulais dire, moi aussi, sur le vivre ensemble, c'est que On sait qu'on ne se construit qu'à travers les autres. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de fondamental et qu'il faudrait aujourd'hui apprendre aux enfants pour leur faire prendre conscience de l'importance des autres et de l'importance de ce partage et de cette coopération avec les autres, puisque notre construction individuelle ne se fait que grâce aux autres. Oui, c'est voilà. Ça, oui, tout à fait, oui. Ça rejoint ce que tu viens de dire, de façon plus... Ça fait plusieurs milliards d'années que le vivant a colonisé la Terre et l'a rendue vivable, quoi. Donc toutes les lois qui fonctionnent, tout ce qui fonctionne est là, quoi. On peut le retrouver, on le trouve là. Et donc ça s'appelle l'écosystème. L'écosystème, ça veut dire que sans l'autre, tu ne peux pas vivre. Oui. Je veux dire, la complémentarité, elle va de soi. T'as l'humain qui vient là, qui se dit ouais, on va mettre de la compétition là-dedans. Bon, oui, et c'est puis encore ça va plus loin parce que si on, alors il y a une théorie qui dit que l'être humain, depuis qu'on s'est mis à marcher, est venu trop tôt, c'est-à-dire qu'il n'est pas terminé, d'accord? Puisque quand les femmes sont à être debout, le bébé qu'elle faisait grossir, les hanches ont rétréci, enfin bref, il y a des choses qui ont changé. Et donc, le bébé est venu à 9 mois à la place de 18 mois, parce que normalement, la gestation était de 18 mois, d'accord? Et donc, de ce fait-là, il y a eu un changement fondamental de société à ce moment, donc quand on s'est mis debout, donc je ne vous dis pas, ce n'était pas hier, hein. Donc il y a eu un changement de société, c'est-à-dire comme que le bébé est sorti non fini, il a dû s'appuyer pour vivre, l'humain, sur la communauté. C'est-à-dire qu'il y avait besoin de la communauté pour... élever l'enfant, le nourrir, en prendre soin, le préserver de tous les dangers qu'il y avait autour et tout. Donc le bébé était à la base construit sur de la sociabilité. C'est-à-dire que c'était une exigence qui est venue assez tard, parce qu'elle n'est pas venue depuis le départ de l'humanité en quelque sorte. Mais là c'est venu, et donc on serait composé d'une condition sine qua non pour fonctionner en harmonie, c'est d'être en société. Maintenant, où il y a un petit blème, c'est que d'être en société avec l'époque qu'on vit maintenant, dans les distractions, dans tout, on est sans arrêt happé à droite, à gauche, on n'a plus de temps pour se poser, réfléchir ou débattre, par exemple, parce qu'il y a d'autres choses. Et il y a un problème parce que les gens ne veulent plus être seuls. Parce que c'est bien d'être en société, mais c'est bon pour la santé mentale, d'être seul de temps en temps. C'est bien que tu abordes ce sujet de la solitude choisie par certains moments nécessaires. Et moi, c'est vrai que j'adore être pour échanger avec des personnes, des amis ou des personnes que je connais moins, mais que j'ai, entre guillemets, intérêt à connaître mieux pour me connaître mieux aussi moi-même, mais les besoins de solitude chez soi, moi, je les apprécie de plus en plus. Sachant qu'à tout moment, c'est réversible et que je ne suis pas... c'est pas une fatalité, je ne suis pas seule, enfin, je ne suis déterminée à être seule tout le temps, me morfondre, etc., que ce sont des moments choisis. Pour la solitude, bon, il me vient des chansons, bien sûr, Léo Ferré, La Solitude, Jean-Claude, ça fera écho en toi, et Brel, on est sans qui chantons au bal, qui allons au bal des bons copains, mais quand vient l'heure de la mort, on se quand vient imbécile, ou enfin, où ça fait 2000 morts, etc. En fait, la mort, c'est ce qui fait l'individuation la plus totale, c'est-à-dire qu'en fait, individuellement parlant, on est seul face à la mort. Et c'est là qu'on est un individu. Et le groupe, il y a des idéologies qui tentent à dépasser ce groupe. Alors j'ai comme exemple, qui m'a toujours frappé, je ne parlerai pas des djihadistes, tout ça, c'est encore autre chose, mais encore que ça fait partie aussi de cette négation de l'individu dans la mort. J'ai toujours été frappé par les récits de la bataille de Dien Bien Phu, où les Vietnamiens qui encerclaient la cuvette, la fameuse cuvette, en 54, vous n'y étiez pas, moi non plus, ben, si, j'étais né, mais... Et donc, il y avait des canons, ils montaient les canons sur les collines entourant Dien Bien Phu, et il y a un épisode, au moins, où un canon qui étaient montés, hissés dans les, à grande peine, dévalent des bœufs. Et un Vietnamien se met à coincer les roues du canon pour que le canon puisse continuer à monter. Et il meurt, bien sûr. Et au nom d'un idéal patriotique ou communiste, ou peut-être oriental, où la vie individuelle ne compte moins que pour nous en Occident. Alors, voilà des idées qui me viennent par rapport à cette oukase, ce terrible moment de la mort qui fait qu'on se retrouve seul, comme dit Brel, mais voilà. Fred. Je change clairement de sujet par rapport à Vincent. Vivre ensemble ou vivre en société, ça me fait penser aux insectes sociaux, hein, fourmis ou abeilles. Et finalement, la question qu'on peut se poser pour vivre correctement ensemble, est-ce qu'il faut un roi, une reine, des ouvriers, des ouvrières, que chacun ait sa tâche bien accomplie ? C'est une question que je pose. C'est une très bonne question, effectivement. Alors, roi ou reine, je ne sais pas. Ouvrière, je ne sais pas non plus. Par contre, je vais transformer un peu ta question en disant, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un sens à ce qu'on fait pour pouvoir vivre ensemble ? C'est une question. J'en profite que le micro passe par moi, le mot sens. En fait, on peut partir du principe que, justement, heureusement qu'il n'y a pas de sens, parce que comme ça, on peut donner un sens. Oui. Ce serait triste s'il y avait un sens. Maintenant, on va laisser parler Jean-Claude. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par sens, bien sûr. Il y a le sens, il y a la direction, et puis il y a le sens, la valeur. Oui, mais ouais. Là, quand il parle des fourmis et des abeilles, c'est la valeur. Parce que même si elles n'ont pas un striatum ni un cortex comme le nôtre, très bien, mais elles ont quand même un striatum et un cortex qui font que, par automatisme, elles font des choses bien réglées et tout. Dans un sens, ce qu'elles font ont un sens. Et elles ne se posent pas de questions au-delà du sens qui leur est inculqué par un cortex, un striatum qui est quand même léger. Mais enfin, c'est égal. Ils ont quand même ce qu'on appelle nous instinctifs. Là, tac-tac, ils font ça. C'est quand même fabuleux. Et ils le font pour ça. Parce que... Oui, voilà. Mais pour moi, une vie sans sens, elle n'a pas de valeur. Oui, voilà. On est d'accord. Voilà. D'accord, mais c'est une bonne question à se poser actuellement. Oui, oui. Parce que est-ce que tout le monde a une vie qui a du sens ? Ben ça, je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de tout le monde. Mais voilà, moi non plus. Mais enfin, c'est une question. Bon, ouais. Moi, je pense souvent à cette histoire de coopération, quoi, et de vivre ensemble. Vivre ensemble, il faut que ça ait du sens, quoi. C'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est certain. Mais bon, quelquefois, nécessité fait loi. Est-ce qu'il n'y a pas, pour vivre ensemble, un besoin de nécessité, justement, qui ferait loi ? Ça, c'est c'était qu'une question. Ouais, ça s'impose. Oui. On passera au suivant de cette question après une chanson. Voilà, Jean-Claude, que vas-tu nous interpréter ? Petit Gainsbourg. Ouais. Ah. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Elle est le préféré cosmos, qu'à chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour. L'amour morte n'en finisse pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais la chanson est monotone. Et chaque fois, peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. jamais savoir par où commence. Et quand finit l'indifférence, passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes, s'efface de mon souvenir. Jour après jour, les amours mentent, en ont fini de mourir. Et toujours, les amours mentent. Merci beaucoup, Jean-Claude. Voilà. Alors, je propose que maintenant qu'on a bien décortiqué cette définition de vivre ensemble sous beaucoup de facettes, parce qu'on y a regardé ça comme dans un kaléidoscope, c'est-à-dire à plusieurs niveaux, maintenant je lancerai le débat en posant une autre question. Et demain, qu'en sera-t-il des anciens, des plus jeunes ? Des habitats intergénérationnels, des habitats qui peuvent être collectifs pour des raisons financières, quand je disais tout à l'heure nécessité fait loi, où est-ce qu'on en sera? Qu'est-ce qu'on peut voir dans habiter et vivre ensemble? Alors, moi je sors d'une expérience un petit peu douloureuse justement, d'habitat participatif, plus ou moins intergénérationnel, où on devait s'entendre à 12 et on s'est aperçu que c'était difficile d'avoir justement un sens commun, même si on avait beaucoup travaillé la question théoriquement en amont. On s'aperçoit que derrière les mots, concrètement, on conçoit les choses différemment en fait, et qu'à l'épreuve de la réalité, on voit qu'il y a des divergences de points de vue voilà, c'est la quête du sens commun qui est toujours difficile à chercher, quoi. Pour revenir à ta question, je pense quand même que ces dernières années, notre société s'est orientée vers des habitats de plus en plus individuels. Il y a combien de grosses maisons qui sont habitées par des personnes seules? On voit bien que ce n'est pas un modèle durable, que c'est complètement absurde et que les gens d'ailleurs n'y trouvent pas forcément leur compte. Ils se retrouvent avec des grandes maisons, ils vieillissent dans des grandes maisons qu'ils n'arrivent même plus à entretenir, dont ils n'ont plus l'utilité, avec des grands terrains qu'ils cultivent même plus. Donc c'est sûr qu'il y a certainement un autre modèle à inventer. Voilà. Oui, intéressant. Ben, merci beaucoup, Bertrand. Un autre modèle à inventer, ça, c'est quelque chose d'intéressant comme sujet. Jean-Claude. Oui, il y a beaucoup à dire parce que, bon, moi, j'ai vécu en communauté dans les années 70 où c'était très à la mode, tout ça. Bon, effectivement, ça a duré 2 ans et demi et puis voilà, on est parti. Je pense que les bases, enfin, pour vivre ensemble aussi, décider de vivre ensemble, il faut d'abord écrire une charte très complète qui implique chaque individu, voilà, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a des exemples de vie ensemble. Moi, je pense aux EHPAD, par exemple, qui sont bien des modes d'habitat collectif. Mais bon, le collectif, là-dedans, qu'est-ce qu'il est, quoi? Qu'est-ce qu'il est? C'est souvent des gens, des individus qui survivent les uns à côté des autres, plutôt que des gens qui vivent ensemble, quoi. Donc, il y a tout à travailler. Je pense qu'il y a des réflexions qui se font. Bon, il y a eu des tentatives, effectivement. Moi, je suis allé visiter à Montreuil les Baba Yaga, par exemple, qui étaient des femmes qui avaient décidé de vivre ensemble, qui avaient tout un espace avec des lieux communs, etc., où c'était quand même un choix qui était fait par chaque personne. Hein, c'était pas... voilà. Bon, je sais qu'à au fur et à mesure du temps, elles ont eu des problèmes parce que effectivement, vivre, surtout au niveau personnes âgées, vivre ensemble, ça veut dire aussi à un moment donné assumer les difficultés que chacune de ces femmes peut avoir. Il y avait dans le groupe, inévitablement, des femmes qui contractaient la maladie d'Alzheimer, etc. Il fallait aussi que le collectif assume tout ça. Et c'est pas donné d'emblée, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, ça fait partie des réalités qu'il faut assumer collectivement si on veut habiter collectivement. Je reviens sur ce que tu as dit à propos de la maison des Baba Yaga. Elle existe toujours. Elle est toujours en activité. Et en fait, ils ont... je crois que c'est... Il y a des femmes de plus de 60 ans et il y a 3 ou 4... d'une trentaine d'années. Donc, c'est quand même intergénérationnel. Oui. Mais c'est sûr que toutes ces résidences, ces colocations, ça peut fonctionner que s'il y a quand même de la mixité, je pense. Oui, de la mixité. Puis ensuite, voilà. On peut imaginer que les soins qui sont à donner à une personne... Il peut y avoir une personne dédiée. Qui vit à demeure là. Et qui est à demeure là, mais le salaire divisé en 12 personnes c'est sera possible. Quand même moins difficile à assumer qu'une personne seule. Bon, écoutez, moi, je peux témoigner d'une structure qui s'appelle Résidence Autonomie Senior. Alors, c'est un nom bien pompeux pour ce qu'on appelait avant les foyers logements, qui dépendent de la mairie, en l'occurrence pour ce qui me concerne Épinal. Donc, ça dépend du CCAS, le Centre communal d'action sociale. Moi, personnellement, ma situation a fait que j'ai pris la décision d'entrer dans une structure il y a à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. J'ai un peu paniqué du fait que ma famille est à l'étranger. Et me sentant prendre de l'âge, on va dire, je me suis dit, je vais avoir personne pour s'occuper de moi. J'étais un peu sous mon influence, un petit peu... maladive d'anxiété, voilà, c'est ça. Bon, alors dans ces résidences, nous pouvons y entrer à partir de l'âge de 60 ans. Après, c'est illimité, hein. Donc moi, dans mon cas, donc dans la structure où je suis, il y a des gens à partir de mon âge, c'est-à-dire bientôt 68 ans, dans les 60 ans, on va dire, 70, 80, voire 90 ans, qui vont bientôt aller vers leurs 100 ans, quoi. Alors, nous avons des appartements, donc nous sommes censés être autonomes, puisque ça s'appelle comme ça. Nous avons notre appartement, dans la structure, ce sont des F1 et des F1 bis. Le loyer est avantageux, bien sûr, c'est une structure sociale au départ, donc parce que la plupart des charges sont incluses dedans. Moi, c'est ce qui m'a un peu motivée aussi. Je venais d'autres régions, il faut dire que j'ai déménagé plus de 10 fois dans ma vie, donc ça fait des frais. Et après, moi, je ne suis pas veuve, donc je n'ai pas de pension de revenu. Version, j'ai ma seule retraite. Hein. Donc, alors le problème, on parlait, il y a beaucoup de choses qui me venaient quand je vous ai tous entendu, l'intergénérationnel. Bon, alors moi, je fais partie des gens jeunes dans cette structure. Nous ne sommes pas très nombreux. Des gens jeunes, bon, j'ai une voiture, je suis autonome, je rentre, je veux comme je veux. Si je veux rentrer à 3 heures du matin, il n'y a pas de problème. On se fait à manger, on a une cuisine. Hein. Mais pour les gens plus âgés, il y a quand même possibilité de manger sur place. Il y a un traiteur qui amène à manger, tout. Il y a des activités auxquelles je participe quelquefois quand même, hein, même si c'est la plupart des personnes âgées. Mais pour moi, n'ayant pas de famille dans l'entourage, quoi, ça me procure une petite chaleur humaine qui ne remplace absolument pas ce manque affectif des proches. Hein, je dois bien le préciser, donc il laisse quand même un manque assez douloureux. Bon. Après, voilà, donc il y a des gens qui sont malgré tout assez dépendants, qui restent là parce que l'EHPAD est trop cher. Il faut savoir qu'on a des loyers dans les 400 euros pour un F1 et 500 euros pour un F1 bis, avec toutes les charges sauf l'électricité. Et un EHPAD, c'est 3 000 euros, quoi. Donc, les familles laissent les personnes. Donc, à partir du moment où il y a des infirmières, des aides ménagères qui viennent, les gens, même s'ils ne sortent plus de chez eux, voilà, ils restent quand même dans cette structure. Le problème, par rapport à moi, la difficulté, c'est de garder son indépendance, son individualité, tout en tenant compte de la collecte, qu'on est quand même une collectivité et qu'on ne peut pas être indifférent comme ça l'a été au-dessus. Moi, il y a un résident qui est tombé à 5 heures du matin, j'ai entendu le gros bouffe, le gros seuil, il avait cassé sa douche et tout. Moi, je ne peux pas rester indifférente à ça. Je suis montée, j'ai prévenu l'astreinte et les pompiers. Mmh. Bon, après, j'étais la seule à le faire, mais je ne l'aurais pas fait, j'aurais eu un problème de conscience. Il reste quand même, dans cette collectivité, un devoir de secours. Par contre, j'ai une personne à mon niveau qui a des cannes de tout, toujours énormes, une personne qui a des grosses jambes, qui ne sort pas. C'est très pénible, quoi, parce que... Moi, je garde mes distances avec tout le monde, c'est-à-dire je suis aimable. S'il y a un danger, j'y réponds, c'est sûr. Hein, je fais le nécessaire, non assistance à personne en danger. Mm-hmm. Mais je ne peux pas, je veux dire, il y a des personnes qui sont comme moi, peut-être en manque de famille, etc. C'est difficile, la difficulté de garder son indépendance, voilà, son autonomie, et puis quand même savoir qu'on est quand même dans une structure collective, et garder ses distances, parce que c'est très difficile. Après, il y a le petit nid de vipère, et puis les gens sont toujours à l'affût de ce que vous faites, hein, qui vient, moi j'ai une voiture, on me voit partir, elle est partie, j'ai été partie cette semaine là, pour des raisons de santé, et cette dame-là, elle me dit, oh, vous avez été partie longtemps, je dis, ça tombe bien, parce que je vais repartir, j'étais revenue juste un week-end pour chercher mon courrier. Ah oui, mais si je tombe dans le couloir, j'aurai personne. Mais après, moi, je ne lui ai pas répondu. J'ai dit, oui, je sais bien. Mais après, je me suis dit, moi, je ne suis pas garde-malade. Je ne suis pas concierge, hein, parce qu'il y a deux employés, mais qui viennent dans la journée ou en demi-journée. Il y a personne sur place, quoi. Il y a juste un numéro d'astreinte. Moi, j'ai écrit au CCAS, j'ai dit, il y a un problème. Moi, je ne suis pas garde-malade, je ne suis pas concierge. Je veux bien... je ne suis pas infirmière non plus, être soignante non plus. Je me fais payer, quoi. Alors, vraiment, la difficulté, c'est parce que moi, je suis plutôt aussi quelqu'un de réservé, qui a eu beaucoup de problèmes dans ma vie, donc j'ai besoin de me ressourcer, de faire du travail sur moi. J'ai beaucoup besoin de me retrouver. J'apprends à vivre en collectivité, ce qui est un gros effort pour moi, parce que j'ai une enfance où j'ai dû me replier dans ma tête. Donc voilà, je ne veux pas extrapoler. C'est très, très intéressant, voilà. comme expérience. Ouais. Alors, et je voulais dire aussi que, il y a une injonction dans la vie maintenant, il y a une injonction à ne pas être seul. C'est-à-dire que tant qu'on propose des activités, dans tous les endroits, venez en famille, venez entre amis. Moi, je dis famille, vous pouvez toujours courir, moi, j'allais à l'étranger. Les amis, je suis désolée, je suis depuis 10 ans Épinal, je n'ai pas de vrais amis. Ou alors, moi, que je n'attends pas pour faire quelque chose, que quelqu'un veuille le faire avec moi, j'y vais, et je me sens, même si je me dis, mais je ne suis pas toute seule, je suis avec moi, mais quand il y a le groupe, des sorties et tout, des fois je me sens mal à l'aise, je me sens jugée, elle est toute seule, enfin, alors que non, c'est une force aussi, et les gens se mettent ensemble, justement, c'est même pas question souvent d'affinité, c'est peur d'être seule, On en revient à la question du départ, apprendre à être seule au départ. Et je me termine en disant on n'est pas, il y a pas d'obligation à. Est-ce que vraiment, comment je peux amener ça? Vivre à deux, c'est pas forcément une chose nécessaire. Nécessaire, voilà, tout à fait. Et dans la vie, souvent aussi, je voulais dire que, sûrement à propos du couple ou quel qu'il soit, l'autre n'est pas fait pour combler nos besoins, ouais, ni nos manques. Non. C'est ce qui se passe la plupart du temps et que les couples foirent, quoi, parce que c'est ça le problème, hein. Et puis je termine encore une chose à dire, c'est que souvent, moi je constate, parce que j'ai du mal de m'exprimer et de m'intégrer, mais j'observe beaucoup, j'écoute. Alors souvent, je me dis finalement, bon, les gens parlent, mais c'est des monologues. Il n'y a pas de dialogue. Le mec ou la bonne femme, elle sort son truc parce qu'elle a envie de sortir son truc, mais l'autre, il ne l'écoute pas. Et puis, voilà, c'est tout. C'est juste déversé. Et moi, je n'appelle pas ça vivre ensemble. Voilà. Oui, merci. C'est gentil. Merci. Merci, Janine. Bravo. Le problème, il est bien là. Il est bien entre la difficulté de la solitude, du besoin d'être seul plutôt, et cette difficulté à vivre en groupe. C'est tout le problème. Alors, moi, quand je vous écoute, je me dis, oui, bien sûr, je me suis dit au début, mais il n'y a personne dans cet établissement qui est capable de travailler à une dynamisation collective, quoi. Voilà, c'est des appartements, les gens sont là de façon isolée, mais il n'y a personne qui travaille à quelque chose de beaucoup plus collectif. C'est quoi. Une bonne ouais. question, ouais. Jean-Claude, oui. Oui, Jean-Claude, mais justement, ça dépend aussi de ce que les gens recherchent quand ils viennent là, ou si c'est juste pour avoir une espèce de maelstrom de sécurité, juste pour ne pas être tout seul chez eux. Mais pas forcément d'avoir des interactions avec les autres. Et bon, c'est vrai que c'est quand tu dis le besoin de solitude et tout, moi j'ai juste un exemple particulier. Tous les ans, je pars en cure thermale. Je pars 3 semaines, toute seule, mais c'est vraiment ma pause, ma grande parenthèse qui m'est nécessaire. Et on m'a déjà dit, ah, mais tu pars toute seule, mais tu ne vas pas t'ennuyer, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant 3 semaines? Alors que je fais plein de choses, mais je les fais pour moi. Et j'ai de compte à rendre à personne pendant les 3 semaines-là. Moi, je crois que le problème du vivre ensemble aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup organisé par strates. C'est-à-dire qu'on met tous les vieux ensemble, les jeunes vivent ensemble, etc. Alors que finalement, il y avait un vivre ensemble un peu naturel, qui était la famille, qui allait où chacun trouvait sa place. Il y avait quand même pas mal de drames, hein. On ne va pas se mentir. Bon, donc il y a eu un... On va quand même arrêter c'est de pour... dire bisounours, tout était beau dans le temps. Non, non, je ne dis pas tout était beau dans le temps. N'empêche qu'on est arrivé, à cause de ça, à l'éclatement de la famille. Oui. Mais que d'une certaine manière, on cherche à recréer par des liens qui ne sont plus forcément les liens du sang, de la famille. Et pourquoi la famille a éclaté? C'est parce que chacun n'y avait pas sa juste place. C'est-à-dire, c'est quand on avait 50 ans ou 60 ans et qu'on attendait désespérément que le père meure pour arriver à être soi, c'est sûr qu'il y a un sacré problème. Mais le vivre ensemble, c'est aussi essentiellement une question de distance. Oui, et puis il y a moins d'émotions entre des personnes qui n'ont pas un lien de parenté que les personnes ensemble. Je dis ça parce que hier soir, j'étais invitée par mes voisins qui ne sont que des jeunes. Il y avait donc, ils étaient 8 autour de la table, entre 30 et 35 ans. Et j'étais la seule de 65 ans. Donc c'est vrai que je suis arrivée et tout, j'ai discuté avec... Comment ? J'en valais deux, peut-être. Et j'ai commencé à discuter, puis bon, je les ai écoutés. Tout de temps en temps, j'en place une petite, mais pas trop. Mais en fait, et en partant, je leur ai dit, mais je vous remercie beaucoup d'avoir intégré dans votre repas de potes une ancienne. Et parce que je sais que mes enfants, et ils m'ont tout de suite dit, oh là là, stop, ce serait notre mère, elle ne serait pas restée. Ça va que toi, on a un bon rapport avec toi parce que t'es voisine, mais t'es pas notre parent direct. Donc je pense qu'effectivement, est-ce qu'on ne doit pas recommencer le vivre ensemble? Alors c'est pour en venir là, hein, le vivre ensemble familial qu'on avait avant, Mais commencer déjà, parce que je te rejoins Olivier, c'est une question que chacun ait sa place et qui est du respect et de la communication non violente et tout ce qu'on veut dans une famille pour que ça se passe bien. Est-ce qu'on ne doit pas déjà en passer par des membres qui ne sont pas de notre famille pour nous faire un apprentissage pour ensuite repasser? Non, mais ça, je dirais, ce n'est pas important. En soi, ce n'est pas important que ce soit ton frère de sang ou ton frère de cœur. Non, mais ce n'est pas pareil au niveau de ce que toi, tu vis à l'intérieur, de l'affect. Mais le schéma de la famille qui va du bébé à l'arrière-grand-père, quoi, si tu veux, c'est une espèce d'organigramme qui permet... une organisation de la société où chacun trouve sa juste place pour ce qui est de son apport matériel, spirituel, de son apport à l'ensemble. C'est tout à fait. Maintenant, on a été coupé par une société de consommation qui veut monétiser ça et ça ne marche pas vraiment. Donc, on devrait effectivement repartir sur un modèle familial peut-être un peu différent. En tout cas, vraiment intergénérationnel. Il y a Fred qui veut intervenir, le deuxième Fred. Et alors, c'est un peu éloigné du sujet sur lequel je voulais intervenir, mais alors je reviens sur la cellule familiale. J'avais pas voulu mettre le débat là-dessus tout à l'heure, parce que la première cellule, enfin celle dans laquelle nous on apprend à vivre, occidentaux, c'est la famille biparentale, frères, sœurs, etc. Il y a bien d'autres sociétés où tout est mis en commun. Les femmes s'occupent des enfants des autres. Ça s'appelle des tribus. Alors ça peut être en Amérique du Sud, ça peut être dans diverses autres. Voilà. Et donc il n'y a pas de schéma en fait unique. Hein. Voilà. Alors je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Claude sur qui pour créer. En fait, l'envie de vivre ensemble, l'aspect collectif, suite à l'intervention de Jeannine, où finalement, des gens cohabitent, mais les uns à côté des autres. Et puis finalement, quand on trouve quelqu'un qui fait le ferment et qui s'occupe un peu plus des autres, on va se diriger vers lui ou vers elle, pour qu'elle le fasse plus et encore plus. Et en fait, quelle est la volonté de faire en sorte de créer un ciment et un ferment? Et je pensais à Jean-Claude. Voilà. Quand Jean-Claude se met à jouer de la guitare, tout de suite, on n'est plus dans le vivre ensemble, on est dans le vibrer ensemble. Et c'est vachement puissant à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment se trouver le moyen de construire un récit. C'est ce que disent un peu les gens qui nous disent qu'il faudrait évoluer vers une autre société. Quel nouveau récit on pourrait se trouver et se construire pour arriver à vivre ensemble. Voilà. Et après, de manière sur le plan plus culturel, la musique, le cinéma, même si le cinéma c'est une industrie, mais quand on va voir un bon film, on préfère être plusieurs dans la salle que tout seul, parce que il y a une espèce de vibration commune qui s'installe. Et voilà. Et je vais prendre le quelque chose qui est là. On a le 8e de finale de la Coupe d'Europe, alors de football. Tout le monde va me dire « Oh là là, il s'intéresse au sport !» Oui, encore un peu. Oui, pourquoi pas. Et donc, je vais pas pouvoir le regarder à la maison parce que je suis en déplacement. Je vais me chercher un café le plus sympa possible où je vais pouvoir partager avec tous ceux qui sont là, alors en espérant que ce soit pas trop... mais partager un moment... Et ça va durer effectivement une heure et demie ou deux heures. Et après, comme Claire, on va retrouver un espace de solitude où on va pouvoir se ressourcer. Donc on a besoin des deux, en fait. Oui, et puis on a besoin des deux. Et puis essentiellement, pour faire le ciment ou le ferment ou ce que tu veux, il y a besoin du lien. Et c'est ce qu'on a parlé à diverses émissions. Donc en associativement vôtre, on est souvent revenu sur ce sujet. C'est... créer du lien, c'est-à-dire du lien qui peut être, on va dire, au départ simplement des rencontres, et quand bien même elles ne sont pas, on va dire, inscrites dans une amitié de longue date ou autre, c'est quand même des rencontres qui font qu'ensemble, on a quelque chose qui se passe parce qu'à un moment donné, comme tu dis vibrer, il y a un moment donné, je donne un exemple, tout le monde se souvient de l'année dernière où on était 40, parce que tout le monde a vibré à sa façon. On était du monde, ça rentrait, ça sortait, il y avait grand soleil dehors, hein. Je tiens à le préciser quand même. Et c'était vraiment très joyeux. Et tout le monde se souviendra aussi d'aujourd'hui, parce que c'est plus intimiste, mais quelque part, on a quelque chose qui a lié aussi. Donc le lien, c'est ça. C'est vraiment participer, faire des choses ensemble. Et on est toujours dans ce ensemble. Après, le même toit, pas le même toit, je sais pas, ici, par exemple, nous, au Chaudiron, on vit en hameau, hein. C'est-à-dire que ben, je suis arrivée, j'étais la plus jeune, maintenant je suis la plus vieille. Et on n'a que des jeunes qui sont venus s'installer dans les 300 mètres à la ronde. Et il y a maintenant 1, 2, 3, 4, 5 couples de jeunes. Et je suis la plus vieille. J'ai du monde avec moi, c'est bon. Hein, c'est... En intergénérationnel, je suis gâtée. Eh bien, ce qu'on se pose comme question, c'est effectivement, est-ce que chacun n'a pas besoin d'un petit lieu personnel pour qu'ensuite on vive des choses ensemble? Ça, c'est aussi intéressant. Pas automatiquement mettre toutes les raves dans le même panier. Pour moi, c'était juste une petite réflexion sur le couple. Ça fait 40 ans que nous sommes en couple. Et une réflexion qu'on se fait régulièrement, quand on fait quelque chose ensemble, et pas un truc de couple, mais simplement on bricole ensemble, on réfléchit ensemble, on fait quelque chose ensemble, ben il y a quelque chose qui nous unit et qui nous rapproche, et c'est des super moments. Ben c'est gentil, merci. Donc là, vous êtes en train de penser ensemble, et ça fera un super moment, voilà. Bertrand. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce que tu disais, le modèle du hameau que vous vivez ici, en fait. Ça me paraît évident que c'est le modèle qui s'est imposé partout, le petit village où chacun était chez soi, où on avait des travaux en commun pour tout ce qui était... Il y avait une solidarité qui se développait quand même. Ouais. Et on voit bien que c'est un modèle qui a marché pendant des siècles, c'est qu'il avait une pertinence. Ah oui, alors ce modèle du hameau du village, j'y pensais aussi. Et comme dit Bertrand, je pense que la mécanisation, le fait que chacun devienne indépendant du fait de la densité énergétique du pétrole, et là, il n'y a qu'à lire les bouquins de Jean Covici sans faire sa publicité. On est complètement shooté au pétrole et à l'énergie. Et le fait d'avoir l'énergie de tout faire tout seul, on n'a pas besoin des autres. Et avant, le besoin, il était obligatoire. On battait le foin, on battait... Alors, sans vouloir revenir au patriarcat, etc. Mais c'est des modèles qui ont fonctionné. Parce qu'on était de toute façon obligés de faire ensemble, sinon on n'y arrivait pas. C'est ce que je disais au départ, mais... Nécessité fait loi. C'est ça. C'est ça. C'est ça, quelque part. Alors, est-ce que c'est pas que la volonté du vouloir, etc. On pourrait dire, et la culture là-dedans, etc. Donc, aujourd'hui, on a monté d'un cran dans ce niveau-là. Mais voilà. Non, mais c'est juste pour dire, pour rebondir, que c'est vrai. On remarque quand même que dès qu'il y a une catastrophe naturelle quelque part, y a tout de suite une solidarité incroyable. Tout le monde est tout beau, tout gentil. Enfin, je veux dire, c'est le monde des bisounours. Tout le monde sait, tout le monde s'aime. Mm-hmm. Et puis, voilà, c'est très bien. Mais je veux dire, en dehors de ça, il faut, en dehors de ça, c'est chacun pour soi, quoi. Oui, c'était juste une micro-réflexion sur, nécessité fait loi. En effet, tu viens de le dire, avec la solidarité, la nécessité de s'entraider. Mais la culture, elle est super importante parce que là, c'est la vibration. En effet, et là, ces derniers week-ends, on a eu l'occasion d'aller dans des fêtes de différentes teneurs. Mais à chaque fois, c'est génial, on se sent bien, on croit en l'humanité pendant quelques instants. C'est le lien. C'est ça. C'est les réseaux. Mmh. Et c'est ce que je disais dernièrement, dans les Vosges, on est spécialement gâtés par un réseau qui est spécialement épais. Un dernier petit mot, oui. Quand tu parles de réseau, Corinne, elle parle de culture. Et en fait, moi, je fais partie de plusieurs réseaux. Donc, moi, je suis à la croisée de tous ces réseaux. Et en fait, les différents... Il y a certains des réseaux que je fréquente, mais qui sont complètement parallèles et étanches. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que, quelquefois, ça... que je parle de certaines choses que je vis dans un réseau à l'autre réseau, mais ça débouche sur rien. Voilà. Malheureusement, je sais pas, mais ou un peu de d'entre soi, dans un réseau, dans un autre, et moi je suis au carrefour, et c'est parfois bizarre. Voilà. Oui, mais bon, l'ouverture d'esprit, il y en a certains qui considèrent que c'est une fracture du crâne. Hein. Donc voilà quoi, on se reprend la réalité en face quoi. C'est ça, il y a des gens, pour eux, s'ouvrir l'esprit, c'est se fracturer le crâne quoi, ils peuvent pas. Voilà, Vincent. Bah non, mais tu me disais que je me taisais, parce qu'en fait, oui, je me suis pas tué dans la première partie générale, globale, philosophico, etc. Après, je me suis tué parce que dans mon expérience personnelle, je sais pas, et c'est là que j'ai jamais su vivre. Je ne peux pas vivre seul, je ne peux pas vivre ensemble, et donc je fluctue partout entre des communautés fluidiques, plusieurs, des lieux, mais jamais, et comme l'EHPAD me guette peut-être ou pas, et voilà, que tout d'un coup des angoisses qui se mettent à me monter, là, les bobos yogos, ça devrait exister, ça serait bien, voilà, mais à titre personnel, puis j'en dis, mais c'est tout. C'est parce que ça me laisse interrogatif. Voilà, Vincent. Donc, oui, d'abord, il s'agit d'un texte qui est réchauffé depuis la dernière fois, depuis le 26 avril. Et c'était un autre sujet, ça a été un sujet déporté. Il y a eu un autre sujet qui est venu. Alors, j'en avais utilisé des petits bouts. Donc là, j'ai revu. Ça va être réchauffé, mais bon, en tout cas. Ça porte sur mon problème essentiel, cohabiter, oui. Cohabiter, c'est le mot est important en ce moment, d'ailleurs. On va savoir. Cohabiter avec soi-même, avec moi-même. C'est déjà mon premier souci. Hein. Donc, je vous ai fait un texte qui s'appelle « Cohabiter avec soi-même ». Cohabiter avec soi-même. Bon, je regarde mes photos. Tiens, ce bébé, c'est moi, cet enfant. À la houppe, c'est moi, à 7 ans. Ce premier communiant, gna gna, c'est moi. Et ce jeune marié, fringant, genre Rolling Stone, c'est moi. Et après, c'est moi, plus tard, c'est encore moi, c'est là. Ta-ta-ta, trop tard. Puisqu'il faut maintenant se quitter sans un mot, puisqu'il faut maintenant se quitter pour un moment. Laisse-moi me dire ce que je n'ai jamais osé. Oui, je m'aime, waouh, waouh, waouh. Oui. Il y en a au moins un qui m'aime, c'est moi. C'est de la cohabitation. J'irai revoir mon Arcadie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Oui, avant moi, là-haut, dans les nuages, et avec les petits Jésus, les petits angelots qui préparaient ma venue sur terre. Il va naître le divin enfant, jouer au bois, résonner, musette. Il va naître le divin enfant. Prenons une musette en attendant et chantons son avènement avec son papa et sa maman. Et son papa. Jésus, Jésus-Christ me crie, suis-moi et sois donc un hippie. Ah, tous les mois que j'aurais pu être à 68, 68 et 80, la gauche. Hein. Faut cohabiter avec ses espérances. Hein. J'ai essayé de cohabiter avec les femmes. Ouais, c'est ça. Là, une surtout. C'est bien les femmes, c'est un peu comme nous, deux bras, deux jambes, une tête, des fois trop, hein. Des fois ça change trop. J'étais bien, moi, avant, avec moi, je m'arrangeais depuis deux ou trois décennies avant. Je suis marié à 30 ans, hein, 30 et quelques. Voilà qu'il y a quelqu'un qui veut autre chose. Et pourquoi tu as mis ça là? Et pourquoi tu sors à 7 heures? Et pourquoi que tu... Pour si, pourquoi ça? Pourquoi tu ne penses pas à moi? Pourquoi tu ne penses pas comme moi? Qu'est-ce que tu penses à ce moment? Bon, toute cohabitation est-elle une forme de domination? Tiens, les Gallo-Romains. Je reviens, c'est pas vécu, mais c'est vécu. Gallo d'un côté, Romain de l'autre. Hein. Cohabitation, mais un peu forcée par les Romains, qui disaient aux Gallos, parle pas comme ça, arrête avec ton patois, avec ton accent provincial. C'était déjà des Parisiens, les Romains. Hein. Et et expecto resurrection mortuorum. Ah, le latin, ils nous ont fracassé la tête avec ça. Nous, avant, on pensait Obélix, Astérix, Kenaf, Iceland, Grace, Den, Alar, Chuchen, Uel, Goati, Pouzadek, Kring Kring. Rock et drôle. Eux, ils ont mis du sirop poisseux, homme et hum, hum, en homme, et us et déclination. Ça nous a perturbé la tête. Hein. Cohabitation, mais surtout dubitation. Hein. Jules César, c'est la césarienne qui nous a fait accoucher d'un être hybride, le français. On est content d'être français ? Maréchal, nous voilà. La baguette de pain sous le bras et le béret, c'est à cause des Romains. Hein. Ouais, donc, l'association. Et l'association, j'en ai déjà parlé chez Catherine. C'est beau l'association, en tout cas. Mais le problème, c'est qu'il faut être plusieurs. Hein. Quand on est plus de quatre, on est une bande de cons. A dit tonton. D'abord, on est des potes ou apôtres, 12 de plus. 12 ou plus. Mais après, il y a les statuts, les réunions, les concertations, les âgés usagers, les prises et méprises de trognons. L'ennui avec l'autre, c'est qu'ils pensent pas toujours comme moi. Voilà. Et, par exemple, les Serbes et les Croates, ils cohabitaient avant, les Yougos. Moi, j'ai voulu en acheter une de Yougo à l'époque. Et tu parles d'une voiture de cohabitation. Maintenant, il y aurait le moteur d'un côté, les roues de l'autre, les clignotants. Voilà. Parlons pas de la Palestine, ça fâcherait. Non, ça a bon. Fâché, oui. Bon, mais bon, cohabiter avec son semblable, s'il est un temps soit peu dissemblable. Mon Dieu, faites que les autres soient comme moi. Vous qui avez fait les hommes à votre image, faites que les autres soient à mon image. Puisque vous m'avez voulu, moi, hein. Pourtant, il a dû cohabiter avec le diable, bon Dieu. Hein. S'il avait voulu Dieu, il n'aurait pas créé le diable. Bon. Savez-vous planter des clous à la mode, à la mode? Savez-vous planter des clous à la mode de Netanyahou? Sentez Jésus sur le Golgotha. Il a voulu ainsi cohabiter avec les humains, Jésus. Et in arcanatus de Spiritus Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixius siam. Et Poutine, il voudrait bien cohabiter, lui, non? Corinne, cacaline, cacaline, cacala, chérie, verse-moi un verre de vodka. Titine, matine, tonton, muriton, les couilles de Staline sont pendues au plafond. Poutine se désole de les voir se dessécher. Ouais, bon. Cohabiter avec le changement climatique, et avec ses conséquences surtout. Milliards de milliards submergés par la montée des eaux, et l'aridité, toc toc. Ouvrez, ouvrez la porte, Europe ma jolie. Mais l'Europe dit, moi qui suis fille de si bon prix, j'ouvre pas ma porte à n'importe qui, c'est nous les gars de la marine. Bref, la cohabitation est-elle dans l'ordre de l'univers, hein? Le soleil a rendez-vous avec la lune. Il y a toujours des hiatus, donc des cubitus, nimbus, voilà. Cohabiter avec son futur. Humanité future. Mutante. Il y a des mutants avec 10 bras, des enfants de Tchernobyl, 10 sexes, pourquoi pas. Homme, femme, futur. Dracula, Nosferatu, Frankenstein, qu'on disait. Cohabiter avec les enfants, si c'est des petits mutants. Voir le bébé de Rosemary, hein, Rosemary's bébé. Peut-être. Ah, petit monstre. Maintenant, tout petit de sixième, voire CM2, ouvre, voire CE2. Ouvre avec ses compas, ses tailles crayon, une menace potentielle. Ah, les petits monstres. Darmanin l'a dit, il faut empêcher les petits monstres de sortir la nuit à partir de 5 ans. Les gremlins, Adam et Ève. Il y avait un jardin qui s'appelait la Terre. C'était un paradis pour y faire l'amour. Adam et Ève, ça a commencé comme ça, la cohabitation. Adam, il était bien, lui. Ève, bon, elle était jolie, mais c'est encore le diable, Satan, et le petit futé pour aller tripatouiller dans les plans de Dieu. J'ai la genèse qui me démange, refaire le monde sa motité, dit le bon Dieu. Qui aime les filles, celles aux seins nus, les nanas aux nénés de Vénus. Let's the nana, oui, let's the nana. Mais il faut voir où ça mène, let's the nana. Voir les conséquences. La femme est l'avenir de l'homme, oui, mais... Et 2 milliards de petits chinois et chinoises, et moi, il y a un côté de la Terre qui est plus lourd. Ça va faire renverser la planète, comme disaient les Shadocks. Qu'est-ce qui fait que l'homme, encore une dichotomie, soit si intelligent et si con? Cohabiter, hein? Eh bien, c'est le diable encore. Bonne réponse de l'Inquisition, qui on comprend mieux alors cette passion à taquiner les sorcières. Ah oui, avoir le diable sous les jupons. Et j'ai vu quelquefois, oui, qui se taisent un peu parce que je m'entends plus là. Hein. Vivre ensemble. Écoutez l'autre qui cause en vain dans le vent. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Ah, cohabiter avec son espoir, c'est pas facile. Être divin un instant, une seconde, un quart de seconde, et redevenir un bipède ordinaire. Cohabiter avec le beau qu'on n'atteint pas. Comme a dit un poète, moi, c'est pas parce qu'on est moche, vieux et con que les filles sont moins belles. Oh, moi, je la trouve excellente. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie, rate à plat. Cohabiter avec ce qui se pointe à l'horizon. Peu à peu, ce vieillissement des os, os court. Tombe la neige, impossible ma neige. Tout a été dit et pourtant, il faut le redire. L'immensité est un radotage à tous les étages, à toutes les pages. Et si on pouvait percer cette sape de convenu à infuser de l'imprévu, de l'ingénu, soleil, tohu-bohu, ex-orbitant, ex-orbité, ex-acerbé, nous voilà à jamais voués et dévoués à chercher derrière le dos cet inconnu qui nous taraude et cohabite avec nos peu mots face à ce mystère de la Terre, délétère, planétaire. Il n'y a qu'un seul mot, se taire. Donc maintenant, nous allons entendre le chroniqueur Filmo qui va nous dire son impression de ce débat sur vivre ensemble. Alors, accrochez-vous. Comme je le dis, nous avons un chroniqueur journaliste Filmo qui, même si vous ne comprenez pas de prime abord, je vous conseille de réécouter le podcast parce que vous allez faire « Ah, mais oui !» Oui, et c'est génial. Il faut le reconnaître. À toi, Filmo. Eh bien, je suis un bon distributeur de lunettes. Alors, admirez le paysage. Vous êtes chez Catherine. Au sens philosophique, spirituel, humain et un pas si vivial que ça, mais déjà pas mal. Alors, nous y sommes à l'origine. À l'origine, ce n'est qu'une rencontre... moins virtuelle que celle que j'ai l'occasion de mener en tant que conversateur avec les animaux. Il m'arrive d'avoir la sonorité exacte de la mouche. Alors en matière de vivre ensemble, vous auriez à vivre ce que je vis moi, vous seriez plié du soir au matin, même le frigo qui grince émet un son humain, même le café qui chante le matin émet un son humain. Et en tant que télépathe à l'origine, déjà au fond des siècles, je suis né ainsi. C'est-à-dire que tout petit, j'entends à 2 ans, à 1 an, là, comme je vis là, j'ai 56, mais je me rappelle de 1 an, par exemple. Je me rappelle d'avoir conversé avec l'élément simple, à travers des souvenirs de couleurs, mais aussi à travers des petits chats que j'avais. Les petits chats que j'avais, j'entendais les sons des chats. Alors c'était très chatoyant comme ensemble. Mais pour inventer, je ne sais pas inventer plus que vous, on parlait d'inventer au début. Alors j'avais une maison commune, j'avais une maison écologique, j'avais une maison panda. Vous savez, la maison panda, c'est la rénovation d'un bâtiment avec des animaux et vous faites du bed and breakfast dedans. Donc j'avais trouvé ça, c'était sympa, comme la résidence autonomie que tu avais. Hein, mais là, je suis un peu en avance sur le spectacle, parce que ça, c'est les milieux de décision, mais au moins, on a essayé, on est convivial, on a causé un peu, comme dit Catherine, allez-y, causez, allez, cause. Eh bien, la cause, elle est là, c'est la parité. Le fauteuil orange, mince, pas de 8, pas de bruit. Car récré, quoi, quand, maintenant. Jean-Claude, poète du si soit-il, du monde à trouver les têtes, à tourner les têtes, le tout faveur des parties, engagé, unité, partagée, en trois tao vers le tout, décision sociétale, solidarité, énergie. Observation, les ondes peuvent imaginer aller plus vite. L'ensemble est l'œuf. De l'œuf ou de l'ensemble? Déjà éclos, mathématico, ce zéro plus l'infini. Des Sumériens en calcul de l'humanité et du pouvoir à répartir de la valeur à tout su... Non, à pas subir. Et pour tous un profit, partager l'oxygène et parfumer le son. Cohabiter, un, deux, trois, cohabiter comme habillé, pas fil autant. Où en suis-je dans mes écrits, s'y trouver là d'un instant? Pour inventer la maison, disais-je, la maison commune, écologique et panda, pas de vitesse du F1 à la plume, l'intergénérationnel, de la cuisine en bon forum. Un forum, la cuisine, toujours être accompagné d'un bon forum dans la cuisine. Et signé d'énergie. C'est bien ce que vous disiez, yeah. Vivre et ressentir pour soi-même. Ah, c'est bien ce que vous disiez, yeah. Mais le temps nous rattrape. Ah. Et nous sommes déjà demain. Mais où est la solidarité? Pas de schéma unique. On se dirige vers les autres comme on se voit. Se trouver, manger ensemble, boire et patron. Ma tournée pour la saison. Des super moments à rebondir. On trouve un instant. Provoquer l'instant pour se saisir le moment. Histoire de se gratter quelques instants. De la place pour tous, la vie des anneaux, des matos, des minerais, des pierres et de tout le précieux si vous voulez. Vivre pour toutes et tous dans le tout. En soi la lumière dans la lumière. Vive la secte des gratteurs exagérés. Merci beaucoup. Bravo! Alors, je pense franchement... Là, je devrais écouter trois fois, à mon avis, peut-être même quatre, parce que là, j'ai pas tout capté. Et voilà des nouveaux arrivants. On va entendre une dernière chanson de Jean-Claude Vorgy. Vas-y, Jean-Claude, fais-nous un peu de musique. Va gratter, puisque c'est les gratteurs de chez Catherine. Bon, au nom des gratteurs de chez Catherine. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, y prendre un premier café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi, vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? j'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain y prendre un premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Merci à tous pour ce débat qui fut très intéressant. À tout bientôt. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, je m'appelle Vorgy. Vous saviez que je m'appelais Vorgy ? Non. Vorgy. V-O-R-G. Mais je dis fréquemment, appelez-moi Orgy parce que le V n'est rien. Oh, oh. Ça place le bonhomme, écoute, là, alors ça, c'est ça. Alors, quand on commence un concert, on dit ça entre nous, musiciens, la première chanson, généralement, bon, c'est pas comme là, mais c'est dans une salle, il y a des gens qui arrivent, et la première chanson, on dit qu'elle est sacrifiée parce qu'il y a des gens qui continuent d'arriver, il y a des gens qui se rassiment et qui continuent la discussion avec leurs voisins, il y en a qui ont oublié d'arrêter leur portable, etc. Enfin bref. Et donc je me suis dit, ben, je vais faire une chanson pour la première qui s'appelle Chanson sacrifiée. Alors j'ai bien écrit, mais j'ai cherché, j'ai essayé, je sais pas, 10, 15 musiques, et j'ai jamais trouvé la musique adéquate. Quoi. Ça n'allait pas, ça marchait pas. Alors je vais quand même vous la faire, mais je vais pas vous la chanter, je vais vous la dire. Donc, chanson sacrifiée. Quand on commence un récital, la première chanson, c'est fatal, ne bénéficie de la salle que d'une attention minimale. Fort de ce principe premier, il fallait que de mon panier, je sorte une chanson sacrifiée, une que j'aimerais rien qu'à moitié. Or, dans mes œuvres, il n'y en a aucune qui, pour combler cette lacune, aurait accepté l'infortune d'être chantée pour des prunes. Je dus, c'était une évidence, afin que la soirée ne commence pas par 3 minutes de silence, me tripoter l'intelligence. Ou plutôt l'imagination, si je veux plaire à l'obsession qu'a des mots, de leur précision, l'art de la versification. J'ai affûté mon porte-plume, je me suis glissé dans mon costume de poète perdu dans les brumes, au petit matin, malgré mon rhume, à thume. Mais l'inspiration ne se décrète pas plus d'ailleurs qu'elle ne s'achète. Rien ne jaillit de ma tête, pas d'idée, pas la moindre miette. Si je n'ai rien à leur chanter, vont finir par s'impatienter, me vilipender, m'insulter, peut-être même me jeter. Mais non, finalement, ils ont l'air d'être cool, de se satisfaire de n'importe quel somnifère. Si j'essayais tralalalair, non. Je disais ça, c'était pour rire. Pour me donner le moyen de convertir la mise au chapeau en plaisir. Mais ça fait déjà un moment que je me demande comment commencer par le commencement. Et doucement, tout doucement, je sens que ça vient, qu'elle n'est pas loin. Et que si j'en prends un petit peu soin, ma chanson bouche-trou néanmoins pourra vous emboucher un coin. La voilà même qui s'offre à vous dans ses habits de rien du tout, quelques mots posés bout à bout, juste de quoi tenir debout. Elle est elle-même très étonnée, elle n'en revient pas d'être née, et vous allez la couronner d'une sortie ovationnée. Bravo! Alors je vais vous faire quelques chansons de mon dernier album et puis d'autres plus anciennes. Et puis j'ai pris l'habitude d'émailler mes concerts de petites chansons que j'appelle, que j'appelle des chansons éclairs, qui durent, on va dire, entre 10 et 30 secondes. Voilà. Je vais simplement commencer par vous dire pourquoi je chante.

Ah oui, c'est beau ça. C'est beau, ah, ouais. C'est beau. Ouais. Ah ouais, non, mais facteur. Alors, comme beaucoup d'entre nous, à un certain moment, j'ai écrit beaucoup de lettres de motivation. Motivé. Ça s'appelle lettres de motivation. Je viens, monsieur le directeur, m'adresser à vous en personne pour être enfin à la hauteur de la place que j'ambitionne. Au sein de votre illustre firme, où j'ai pu constater l'absence de cette fonction que j'estime être de première importance, je suis rêveur professionnel. Et plus qu'un métier, c'est un art où véritablement j'excelle. Toute prétention mise à part, j'ai de solides compétences. Et vous lirez dans mon CV que depuis la plus tendre enfance, je n'ai fait que les cultiver. J'ouvrirai dans vos ateliers les portes de l'imaginaire pour donner à vos ouvriers l'occasion d'aller prendre l'air. Le rêve a des vertus certaines, bien souvent inconsidérées, même aux ressources humaines, qu'on sait pourtant très inspirées. Je suis rêveur professionnel, et plus qu'un métier, c'est un art où véritablement j'excelle. Toute prétention mise à part, mon savoir-faire est sans limite. Sans limite mon champ d'action, où le bizarre et l'insolite peuvent booster la production. Voyez l'utopie qui sommeille dans les cerveaux stérilisés de vos cadres, et c'est pas leur paye qui va les refertiliser. Rien ne leur serait plus salutaire que l'onirisme créateur, quand enfin leur sera offert de découvrir la pesanteur. Je suis rêveur professionnel, et plus qu'un métier, c'est un art où véritablement j'excelle. Toute prétention mise à part, ayez foi en mon expérience, je garantis les résultats. Vous-même, monsieur le directeur, tentez votre chance, et sûr vous n'en reviendrez pas, et sûr vous n'en reviendrez pas. Excellent. Les paroles sont vraiment, vraiment excellentes. Ouais, ouais. Voilà, musique aussi, ouais. Le chanteur aussi. Mais ce qu'il raconte, ouais, c'est quand même génial. C'est quand même génial. Les chaussettes aussi. Oui, les chaussettes aussi. Elles sont archi-sèches. Oui, les chaussettes de l'archiduchesse. Je sens qu'il y en a qui ont compris. Ouais. Hein? Et surtout, c'est le Didi. Comment? Et c'est le Didi. Oui, non, mais tu comprends, en impro-théâtre, il y a des exercices qui consistent à dire les chaussettes de l'archiduchesse sont des sèches, archi-sèches. C'est ce que l'on garde d'armes, une voix tant qu'elle est. Eh, Liliane, t'as compris? J'ai tout compris. T'as compris. En verlan. pâle, ni l'odeur vanillée qui drape nos corps en tornade, les soleils, les rivières qui débordaient de tes fous rires, la volupté première de se découvrir. Les sentiers difficiles où l'on ne savait plus très bien les contours de notre île, ni la certitude du lien, les langages inventés par avant de résistance au jour désenchanté de l'existence. Je suis encore en chemin, mais c'est tant mieux. J'attendrai après-demain. Que le hasard a bien voulu offrir à ma détresse alors que je n'y croyais plus. Fortunes émouvantes de ces rencontres insoupçonnées où la vie réinvente nos années. J'ai sauté dans des flaques et j'ai pourchassé des Indiens. J'ai pris des paires de claques, paraît que c'était pour mon bien. Mais dans les prairies, les vergers, j'ai appris à ma façon à devenir berger de chansons. Je suis encore en chemin, mais c'est tant mieux. J'attendrai après-demain pour être vieux. J'irai encore sur les chemins. Il sera temps après-demain pour être vieux. Une petite éclair. Oui. Ah ouais. Jésus, c'était quand même un dur, un sacré gars. Même en mauvaise posture, il baissait pas les bras. Elle est excellente quand même. Elle est horrible. Mais ça, ouais, mais elle est pas mauvaise. Quand même. Elle est croyante. Comment? Il est croyant. Oh, bien sûr. Il croit. Non, mais la question n'est pas là. C'est quand même une réalité qui ne sait pas les voir. C'est objectif. Ah, oui. C'est objectif. Mais pourquoi ça vous fait rire? C'est vrai, ça. Je comprends pas. Si tu mets dans ton verre un peu de lumière du printemps, des charmes du pivert, ou la profondeur de l'instant, quelques éclats de rire posés sur un lit de rosée, la douceur d'un plaisir apprivoisé. Tu verras ce breuvage ou le parfum d'éternité, te dira les bons usages de la liberté. Et sans que tu l'apprennes, tu sauras écrire et chanter les plus beaux poèmes jamais inventés. Mets à profit chaque jour qui passe, tu verras comme il fuit, oiseau fugace. Soucie-toi surtout de toujours avancer, en passant partout où tu dois passer. Si tu mets dans tes poches une rivière de désir, le soleil de Gavroche, une

apporter ajoute des justifications à nous dira nos doutes. Saurons-nous demain prendre assez de hauteur pour chanter plus haut de nos déambulateurs? Tamalu, Bobola. Je vois bien la chanson, tu sais, pour les filles. Ouais, tu veux mettre du troisième âge. Ouais, c'est ça, dans le bus. Tu viendras à la résidence faire un récit. Bobola. Ou sur un match de foot, quand le joueur se casse le nom. Ouais, mais là, c'est... Non. Moi, je vois mieux le quart de résident du senior troisième âge qui va à Ibiza. Voilà. Tamalou, Bobola. Alors, une petite chanson, donc. Une chanson de... C'est une constatation qui peut paraître crue, mais avec stupéfaction, je me suis aperçu que Jacqueline avait un cul, que Jacqueline avait un cul au milieu de son prénom. Je suis content que ça vous fasse rire parce que c'est le but. Hein. Ouais, non, mais... Sous les bancs de pierre, sous les bancs de bois, en fermant les paupières, c'est fou ce qu'on y voit. Sous les bancs de pierre, sous les bancs de bois, c'est la vie tout entière qu'on touche du doigt. Trêve, c'est un port, c'est une escale, pour ceux qui mettent les voiles, qui s'évadent, qui s'enfuient. D'un quotidien qui les use, quotidien où ils refusent de s'en remettre à l'ennui. Sous les bancs de pierre, sous les bancs de bois, en fermant les paupières, c'est fou ce qu'on y voit. Sous les bancs de pierre, sous les bancs de bois, c'est la vie tout entière qu'on touche du doigt. C'est Venise, c'est Vérone, quand ces deux-là s'abandonnent au joli jeu des amours. En état d'apesanteur, ils se brodent sur le cœur des dentelles de toujours. Sous les bancs de pierre, sous les bancs de bois, en fermant les paupières, c'est fou ce qu'on y voit. Sous les bancs de pierre, sous les bancs de bois, c'est la vie tout entière qu'on touche du doigt. Voici les croqueurs de livres venus goûter à l'air libre quelques fruits de leur passion. À près de pages, ils s'effacent, ils ne sont là qu'en surface, en simple figuration. Sous

vous suppose ne sont pas là où l'on suppose. Une petite dernière avant la dernière. Là, je le vois arriver, donc. Je sens. Me voilà seul et déprimé. Car il me fut insupportable d'avoir été obligé de vacciner. M'a coupé. Qui fait l'objet des éditos, les conflits, les naufrages, si bouscule, si presse, elle n'est plus à la page, la gentillesse. Comme elle n'est pas source de capitaux, de profits, ne cote pas en bourse, on la maîtrise, on en fait fi. Bien misérables sont ceux qui dédaignent la richesse qu'apporte une moisson de gentillesse. C'est elle le berceau où se forgent les amitiés, ces généreux cadeaux offerts à notre humanité. Un sourire échangé ou quelques mots très ordinaires, elle s'oublie l'étranger et se dissipe les frontières. S'il en est qui abuse de sa générosité, d'autres encore l'accusent d'atteinte à la virilité. Autant elle n'est en rien une manière de faiblesse, c'est un grain de lien, la gentillesse. C'est en ce lieu tranquille que la complicité construit la maisonnée fertile où la paix partage ses fruits. Quand la peur ou la perte inonde toute une existence, juste une main offerte, c'est une corne d'abondance. Il me plaît de penser qu'au-delà de cette fureur, que ce monde insensé semble encourager à cette heure, nous reviendrons des jours où refleurira la noblesse de cet enfant de l'amour, la gentillesse. Cet enfant de l'amour, la gentillesse. Joseph ou Marie, c'est pas la peine d'aller chercher une place en crèche à Bethléem. Une place en crèche à Bethléem. C'est sûr, Marie, si tu t'appelles pas Marie, Joseph, ouais. Mais c'est pas la peine d'aller chercher une place en crèche Marie, à Bethléem. Marie, ouais. Joseph, voilà. C'est la comprendre. Ouais. Ah bah. Non mais je sais que c'est la note prénom. Pour les musulmans, c'est compliqué. Ah ouais. Faut être culturellement. Oui, ouais, culturellement compatible. Bah ouais. Entendez-vous ce bruit qui gronde sous le ciel voilé? Entendez-vous ces cris? De l'amour. cette vacarme, s'habituer au bruit des âmes. Mais moi je veux encore croire à l'ivresse de poésie, vivre avec l'espoir de la création infinie, retrouver cet enfant qui riait ses merveilles quand l'horizon avale le soleil. La terre désolée se voit contrainte à la chimie, peu importe le blé, s'il est bon pour l'économie, les poisons. Que si l'on cancelle, les océans deviennent des poubelles aquatiques où les poissons apprennent à bien digérer le plastique. Sans scrupule, on efface les forêts, la faune et la flore, afin que prennent place les coffres forts. Mais le chant des baleines et le palais des étourneaux, les musiques indigènes et la fièvre de leur tempo, comme autant de bonheur pour qui a compris que les vrais malheurs n'ont pas de prix, pas de prix. Entendez-vous ce bruit qui coule sur le ciel voilé? Entendez-vous ces cris qui disent l'amour envolé? Entendez-vous, entendez-vous, entendez-vous? Le grand percuteur, le grand percuteur. Ok, ok. On va faire une percu. J'ai besoin de rire, j'ai besoin de larmes, j'ai besoin de vent, besoin de frémir, des charmes pour être vivant, besoin de sentir ce qui passe entre nous et qui sans rien dire nous dit presque tout. J'ai besoin que vibre l'invisible accord, la corde sensible qui relie nos corps. J'ai besoin d'offrir pour fleurir les cœurs à l'envers, pour guérir l'absence, les abcès d'enfance, l'éternel hiver. Besoin du langage, du feu de ses paroles, pour flamber les images et que la vie rissole. C'est une offrande en fraude, un cadeau clandestin, ces mots qu'on maraude pour en faire un festin. J'ai besoin d'entendre la vie se répandre aux instants fragiles, pour ne pas dormir, pour ne pas mourir en terre d'exil. Besoin que m'enivre quelques mots de prévère, la beauté du givre qui vient farder l'hiver, la flamme au regard de l'enfant qui s'allume quand les mots fanfares s'envolent de sa plume. J'ai besoin de prendre pour mieux le comprendre l'indomptable temps, pour dans l'avenir savoir contenir chacun des instants, instants de la route déroulant à loisir, certitude, doute et désir.

suivrons le même chemin. Le chemin où s'envole toutes ces idées folles qui feront les chansons de demain. Le chemin où s'envole toutes ces idées folles qui feront les chansons de demain. Elle est de ma vie la compagne fidèle et je ne pourrai jamais me passer d'elle. Si tu es Il y a une éclair alors. Ah ben par exemple. Ah oui, une éclair avant la dernière. Une éclair et une dernière. Oui. Une dernière éclair, c'est clair, une dernière, non ? Et avant dernière. Je suis pour le maintien de la coutume du baise-main. Faut bien commencer quelque part. Ça rime pas. Ça rime pas. Mais c'est compréhensible. Ah, c'est trop long. Ah, c'est trop long. Oh, j'adore. Bon. Alors, c'est une chanson sur le conformisme. Ah, ah c'est bien. Ah, on n'a jamais entendu celle-là. C'est une bonne idée, hein, en fait. On n'a jamais entendu celle-là. Si, si, si. Attends, je donne le signal parce qu'il faut que je fasse ça. C'est parti. Papa bleu, maman rose, assis dans l'ordre des choses, sont contents quand on confirme que leur copie est conforme. La norme. Papa bleu et maman rose, jamais jamais ne se posent de ces questions inutiles, pas peur de perdre le fil. La vie tranquille. Papa bleu et maman rose se gavent à haute dose de la télévision qui donne la bonne direction à leurs opinions. Papa bleu et maman rose ne défendent aucune cause et sont prêts à s'engager pour repousser ce danger. Quel étranger. Papa bleu et maman rose cultivent en virtuose dans leur univers étroit cet art de vivre au tout droit, marcher droit. Papa bleu et maman rose dans l'amour rose névrose à petit feu se nécrose pour finir ici repose.